L'enseignement de Ramana Maharshi. Entretien numéro 17. Monsieur Evans Vance, scientifique anglais à l'université d'Oxford, arriva à l'ashram avec une lettre d'introduction de la part de Paul Brunton. Connaissant la langue tibétaine, il avait contribué à la traduction du Livre des Morts, à la biographie d'un des plus grands yogis tibétains, Milarepa, et à un livre sur les doctrines secrètes du Tibet. Il avait déjà visité l'Inde plusieurs fois et était bien accoutumé à la façon de vivre indienne, mais, fatigué du voyage, il eut besoin de repos. L'après-midi, il posa quelques questions relatives au yoga. Il voulait savoir s'il était admissible de tuer des tigres, des daims, etc., et d'utiliser leur peau pour des positions de yoga. Le mental est le tigre ou le daim, répondit Ramana Maharshi. Si tout est illusion, rien n'empêche alors de supprimer des vies. Pour qui est cette illusion ? Trouvez-le. En fait, chacun de nous est un assassin du soi à chaque moment de sa vie. Quelle est la meilleure posture de yoga? N'importe quelle asana, peut-être le Sukha Asana, la posture aisée de demi-lotus du Bouddha. Mais de toute façon, cela n'a pas d'importance pour le Jnana, la voie de la connaissance. La posture indique-t-elle le tempérament? Oui. Quelles sont les propriétés et les effets des peaux de tigre, de mouton, de daim, etc.? Des personnes ont découvert leurs propriétés et les ont décrites dans des livres de yoga. Ces peaux d'animaux sont conductrices ou non de magnétisme, etc. Mais cela est sans intérêt pour la voie de la connaissance, Jnana Marga. En réalité, la posture signifie prendre une assise ferme dans le soi. Elle est intérieure. Tout le reste concerne les postures extérieures. Y a-t-il un temps pour méditer? Qu'est-ce que le temps? Dites-le-moi. Le temps n'est qu'une idée. Il n'y a en fait que la réalité. Quoi que vous pensiez qu'elle soit, elle apparaît comme telle. Si vous l'appelez temps, c'est le temps. Si vous l'appelez existence, c'est l'existence, et ainsi de suite. Après l'avoir appelé temps, vous divisez ce temps en jours, nuits, années, mois, heures, minutes, etc. Le temps n'a aucune importance pour la voie de la connaissance. Mais pour les débutants, certaines de ces règles et de ces disciplines sont bonnes. Qu'est-ce que le Jnana Marga, la voie de la connaissance? La concentration mentale est, en un certain sens, commune aux deux voies, celle de la connaissance et celle du yoga. Le yoga vise à l'union de l'individuel et de l'universel, la réalité. Cette réalité ne peut être nouvelle. Elle doit déjà exister et elle existe en ce moment même. La voie de la connaissance essaye de trouver comment le vi-yoga, la séparation, a pu survenir. Cette séparation n'est que celle d'avec la réalité. Qu'est-ce que l'illusion? Pour qui est l'illusion? Trouvez-le. Alors l'illusion s'évanouira. La plupart des gens veulent savoir ce qu'est l'illusion et ne cherchent pas qui est dans l'illusion. C'est absurde. L'illusion est extérieure et inconnue, alors que le chercheur est à l'intérieur et connu. Recherchez plutôt ce qui est proche de vous, intime, au lieu de rechercher ce qui est lointain et inconnu. Le Maharshi recommande-t-il des postures physiques particulières pour les Européens? Elles peuvent être recommandées. Toutefois, il convient de comprendre clairement que la méditation n'est pas défendue en l'absence d'asana, d'horaires convenus ou d'autres conditions accessoires. Le Maharshi préconise-t-il une méthode particulière pour les Européens ? Tout dépend du conditionnement mental de l'individu. Il n'y a pas vraiment de règle absolue et rigoureuse. Monsieur Evans Vance posa encore quelques questions, la plupart concernant les méthodes préliminaires du yoga. Le Maharshi répondit qu'elles étaient une aide pour le yoga et que le yoga lui-même n'était qu'un moyen pour la réalisation du soi, le but suprême. Le travail est-il un obstacle à la réalisation du soi ? Non. Pour être réalisé, seul le soi est la réalité et les actions ne sont que des phénomènes qui n'affectent pas le soi. Même quand il exerce une activité, l'être réalisé n'éprouve pas le sentiment d'en être l'auteur. Ses actions ne sont qu'involontaires et il en reste le témoin sans éprouver aucun attachement. Son activité n'a aucun but. Même celui qui est engagé sur la voie de la sagesse, jñāna, peut suivre la voie tout en travaillant. Pour le débutant, cela peut être difficile, tout au moins dans les premiers stades. Mais avec un peu d'exercice, il réussira vite, et le travail n'apparaîtra plus comme un obstacle à la méditation. En quoi consiste cette pratique ? En la recherche constante du « je », la source de l'ego. Chercher « qui suis-je ?» Le « je », à l'état pur, est la réalité, l'absolu être conscience félicité. Lorsqu'on oublie cela, toutes les misères surgissent. Lorsqu'on fixe son attention sur cela, les misères passent. Est-ce que le célibat, le brahmacharya, est nécessaire pour la réalisation du soi? Brahmacharya veut dire « vivre en brahman ». Cela n'a aucun rapport avec le célibat tel qu'on le comprend ordinairement. Un vrai brahmachari est celui qui vit en brahman et découvre en brahman la félicité. Le brahman est identique au soi. Pourquoi alors partir à la recherche d'autres sources de bonheur? En réalité, le fait de sortir du soi est la cause de toutes les souffrances. Le célibat est-il une condition sine qua non pour le yoga? Oui, le célibat est certainement une aide parmi tant d'autres pour la réalisation. Le célibat n'est donc pas indispensable. Un homme marié peut-il réaliser le soi? Certainement. C'est une question d'aptitude mentale. Marié ou célibataire, l'homme peut réaliser le soi, puisque celui-ci est ici et maintenant. S'il n'en était pas ainsi, et que le soi était réalisable au prix de certains efforts et à un autre moment, ou si c'était un état nouveau et quelque chose qu'il faille acquérir, il ne vaudrait pas la peine d'être recherché. Car ce qui n'est pas naturel ne peut être permanent non plus. C'est pourquoi je dis, le soi est ici et maintenant, et il est unique. Dieu étant immanent en tout, on ne doit pas ôter la vie à qui que ce soit. La société a-t-elle raison lorsqu'elle punit de mort un assassin? L'État en a-t-il le droit? Les pays chrétiens commencent à croire que c'est une erreur. Qu'est-ce qui a poussé l'assassin à commettre le crime? Le même pouvoir lui infligera également la punition. Que ce soit la société ou l'État, tous deux ne sont que des instruments entre les mains de ce pouvoir. Encore ne parlez-vous que de la suppression d'une seule vie. Que dire alors des millions de vies qui disparaissent durant les guerres? C'est exact. La perte de toute vie est un mal. Mais alors, la guerre est-elle justifiable? Pour un homme réalisé, celui qui demeure toujours dans le soi, la perte d'une seule vie, de plusieurs vies ou de toutes les vies dans ce monde ou dans les trois mondes ne présente aucune différence. Même s'il est amené à les détruire toutes, aucun péché ne pourra atteindre cette âme pure. Le Maharshi cita alors la Bhagavad Gita, au chapitre 18, verset 17, où il est dit « Celui qui est délivré de la notion de l'ego, dont l'intellect n'est pas conditionné, celui-là, même s'il détruit tous les mondes, ne tue pas, pas plus qu'il n'est enchaîné par les conséquences de ses actions. » Nos actions n'exercent-elles pas une influence sur nos vies futures ? Êtes-vous né actuellement ? Pourquoi pensez-vous à d'autres naissances ? Le fait est qu'il n'y a ni naissance ni mort. Laissez donc celui qui croit être né penser à la mort et à ses palliatifs. Combien de temps le Maharshi a-t-il mis pour réaliser le soi ? Vous posez cette question parce que vous percevez un nom et une forme. Ces perceptions proviennent de l'identification de l'ego avec le corps physique. Lorsque l'ego s'identifie avec le corps subtil, comme dans le rêve, les perceptions sont également subtiles. Mais dans le sommeil profond, il n'y a aucune perception. Peut-on dire pour autant que l'ego ne s'y trouve pas ? Pour avoir conservé le souvenir d'avoir dormi, il faut bien que l'ego ait existé. Qui est-ce qui a dormi ? Vous ne vous êtes pas dit durant votre sommeil que vous dormiez. Vous le dites maintenant, une fois réveillé. L'ego est donc le même durant l'état de veille, de rêve et de sommeil profond. Trouvez la réalité sous-jacente à ces trois états. C'est là la véritable réalité. Dans cet état, il n'y a plus que être. Il n'y a plus toi, ni moi, ni lui. Plus de présent, ni de passé, ni de futur. Cet état est au-delà du temps et de l'espace, au-delà de toute expression. Il est toujours là. De même que le bananier est un arbre dont les racines produisent de nouvelles pousses avant qu'il ne donne ses fruits et meure, et que ces mêmes pousses, une fois transplantées, recommence le même cycle. Ainsi, le maître originel et primordial de toute antiquité, Dakshinamurti, celui qui a dissipé les doutes de ses disciples richis par son silence, a laissé après lui des pousses qui continuent à se multiplier. Le gourou est une pousse de ce Dakshinamurti. La question ne se pose plus lorsque le soi est réalisé. Le Maharshi entre-t-il en Nirvikalpa Samadhi ? Si les yeux sont fermés, c'est Nirvikalpa. Si les yeux sont ouverts, c'est Savikalpa, état de différenciation mais de repos absolu. Cet état, éternellement présent, est l'état naturel, qu'on appelle Sahaja. Entretien numéro 18. Il y a des yogis qui possèdent des pouvoirs occultes. Qu'en pense le Maharshi ? Les pouvoirs sont connus soit par ouï-dire, soit par démonstration. C'est la preuve qu'ils n'existent que dans le domaine du mental. Monsieur Brunton mentionne l'existence d'un yogi à Madras capable d'entrer en communication avec son maître qui se trouve dans les Himalayas. Ce n'est pas plus extraordinaire que la télépathie, bien connue de tous. La télépathie ne peut exister sans quelqu'un qui entend, et la clairvoyance sans quelqu'un qui voit. Quelle différence y a-t-il entre entendre de loin ou de près ? L'auditeur seul a de l'importance. Sans auditeur, il ne peut y avoir d'audition. Sans voyant, il ne peut y avoir de vision. Vous me demandez alors de prendre en considération le sujet et non pas l'objet. le sujet et l'objet n'apparaissent que lorsque le mental est mis en mouvement. Le mental les inclut tous deux, ainsi que les pouvoirs occultes. Les manifestations de lumière, les jyotis, sont-elles visibles sur la colline d'Arunachala? Oui. Les endroits sacrés tels le mont Kailasha, Benares, etc., produisent-ils des effets psychiques sur ceux qui s'y rendent? Oui. Y a-t-il un intérêt spirituel à mourir à Benares? Oui. Le sens devient clair si l'on comprend que ce sont le Benares réel et la mort réelle. Vous voulez dire qu'ils sont tous deux dans le soi? Oui. Il y a 6 centres répartis dans le corps et des centres correspondants dans le monde? Oui. Ce qui est dans le monde est dans le corps, et ce qui est dans le corps est également dans le monde. Est-ce que le caractère sacré de Benares est une question de foi, ou bien est-ce aussi une réalité extérieure? Les deux. Certains sont attirés par un lieu de pèlerinage, d'autres par un autre. Est-ce que cela dépend de leur tempérament? Oui. Remarquez comme vous tous, qui êtes nés dans des lieux différents et qui vivez même à l'étranger, êtes réunis ici aujourd'hui. Quelle est donc la force qui vous a attiré jusqu'ici? Si cela est compris, l'autre force est également comprise. Entretien numéro 19. Où peut-on situer le siège de la mémoire et de l'oubli? Dans le mental. Entretien numéro 20. La solitude est-elle nécessaire pour un jnani? La solitude se situe dans le mental. Un homme peut fort bien se trouver au milieu de la foule et conserver sa sérénité. En ce cas, il se trouve en état de solitude. Un autre homme peut rester seul, au fond d'une forêt, et pourtant être incapable de contrôler son mental. Il ne se trouve pas en état de solitude. La solitude est une fonction mentale. Un homme attaché à ses désirs ne trouvera jamais la solitude où qu'il aille. Un homme sans attachement est toujours dans la solitude. Ainsi, l'homme peut vaquer à ses travaux, être libre de tout désir et se maintenir dans un état de solitude. Est-ce ainsi? Oui. Le travail accompli avec attachement est une entrave, alors que le travail exécuté avec détachement n'affecte pas son auteur. Ce dernier, même lorsqu'il exerce une activité, demeure en état de solitude. On dit qu'il y a au Tibet de nombreux saints vivant dans un état de solitude et qui, cependant, rendent de grands services au monde. Comment est-ce possible? C'est possible. La réalisation du soi est l'aide la plus grande que l'on puisse apporter à l'humanité. C'est pourquoi on dit que les saints sont des bienfaiteurs, bien qu'ils restent isolés dans les forêts. Mais il ne faut pas oublier que la solitude n'existe pas uniquement dans les forêts. On peut tout aussi bien la trouver dans les villes, au beau milieu des occupations du monde. Il n'est donc pas nécessaire que les saints se mêlent aux hommes pour leur être utiles? Seul le soi est la réalité. Le monde et tout le reste ne sont pas la réalité. Un être réalisé ne considère pas que le monde est différent de lui-même. Ainsi, la réalisation d'un saint contribue à l'élévation de l'humanité, sans que celle-ci en soit consciente, n'est-ce pas? Oui. L'aide est imperceptible, mais elle n'en existe pas moins. Un saint aide toute l'humanité, à l'insu de celle-ci. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il se mêle aux autres? Il n'y a pas d'autres avec lesquels il puisse entrer en contact. le soi est la seule et unique réalité. S'il existait une centaine d'hommes ayant réalisé le soi, est-ce que le monde n'en retirerait pas de plus grands bénéfices ? Quand vous dites « soi », vous vous référez à l'illimité. Mais lorsque vous y ajoutez le mot « homme », vous en limitez le sens. Il n'y a qu'un soi, unique et infini. Oui, je comprends. Sri Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que l'on doit travailler sans attachement et qu'une telle activité est préférable à l'oisiveté. Peut-on appeler cela du karma yoga ? Ce qu'il dit est adapté au tempérament de ceux qui l'écoutent. En Europe, les gens ne comprennent pas qu'un homme qui vit dans la solitude puisse être utile à son prochain. Ils s'imaginent que seuls les hommes engagés dans le monde peuvent l'être. Quand donc cette confusion cessera-t-elle ? Est-ce que l'état d'esprit européen va continuer à patauger dans les marécages ou va-t-il enfin réaliser la vérité ? Ne vous préoccupez pas de l'Europe ou de l'Amérique. Où sont ces deux pays si ce n'est dans votre mental ? Réalisez votre soi, et alors tout est réalisé. Lorsque vous rêvez et voyez plusieurs personnages, en vous réveillant et en vous rappelant votre rêve, vous assurez-vous que les personnages de votre rêve sont eux aussi réveillés. Que pense le Maharshi de la théorie de l'illusion universelle, Maya ? Qu'est-ce que la Maya ? Rien d'autre que la réalité. La Maya n'est-elle pas l'illusion ? Le terme de Maya est utilisé pour désigner les manifestations de la réalité. Par conséquent, la Maya n'est rien d'autre que la réalité. Certaines personnes affirment que Sri Shankaracharya n'était qu'un intellectuel et nullement réalisé. Est-ce exact ? Pourquoi vous préoccupez-vous de Sri Shankaracharya ? Réalisez votre propre soi. Les autres peuvent très bien prendre soin d'eux-mêmes. Jésus-Christ guérissait les malades. S'agit-il là seulement d'un pouvoir occulte ? Jésus était-il, à ce moment-là, conscient qu'il guérissait les hommes de leur maladie ? Il ne pouvait pas être conscient de ses pouvoirs. Il y a une histoire à ce sujet. Une fois Jésus guérit un homme aveugle. Quelque temps après, cet homme devint méchant. Le rencontrant quelques années plus tard, Jésus remarqua sa méchanceté et l'interrogea sur la raison de son comportement. L'homme répondit que lorsqu'il était aveugle, il ne pouvait pas commettre de péché. C'est seulement après sa guérison qu'il était devenu méchant, et il rendait Jésus responsable de sa méchanceté. Jésus n'était-il pas un être parfait possédant des pouvoirs occultes ? Il ne pouvait pas être conscient de ses pouvoirs. Mais n'est-ce pas une bonne chose de les acquérir, comme la télépathie, etc. ? La télépathie et la radio permettent de voir et d'entendre à distance. Elles se ramènent toutes deux au phénomène de l'audition et de la vision. Que l'on écoute de près ou de loin ne change rien au fait d'entendre. Le facteur fondamental, c'est l'auditeur, le sujet. En l'absence d'auditeur ou de voyant, il ne peut pas y avoir d'audition ou de vision. Ces deux facultés sont des fonctions du mental. De même, les pouvoirs occultes, les siddhis, ne sont que dans le mental. Ils ne sont pas naturels au soi. Ce qui n'est pas naturel, mais acquis, ne peut pas être permanent et ne vaut pas la peine que l'on s'efforce de l'obtenir. Les siddhis sont des pouvoirs à longue portée. Un homme ordinaire a des pouvoirs limités et se sent misérable. Il cherche à augmenter ses pouvoirs afin d'être heureux. Y parviendra-t-il vraiment ? Si l'on considère que les gens sont malheureux avec des facultés de perception limitées, alors on peut en conclure que leurs malheurs s'accroîtront proportionnellement à l'augmentation de celle-ci. Les pouvoirs occultes n'apporteront jamais de bonheur à qui que ce soit. Bien au contraire, ils le rendront d'autant plus malheureux. Par ailleurs, à quoi servent ces pouvoirs? Le soi-disant occultiste désire exposer ses pouvoirs afin d'être apprécié par les autres. Il recherche la reconnaissance et s'il n'en reçoit pas, il est malheureux. Il faut absolument que les autres l'apprécient. Il peut même rencontrer quelqu'un dont les pouvoirs sont supérieurs aux siens. Il en éprouvera de la jalousie et sera encore plus malheureux. Un grand occultiste peut toujours rencontrer un occultiste encore plus grand que lui, et ainsi de suite jusqu'à ce que survienne quelqu'un qui volatilisera tout en un clin d'œil. Un tel personnage est le plus haut adepte, et il est Dieu ou le soi. Quel est le réel pouvoir? Est-ce l'accroissement des richesses ou bien le fait d'amener la paix? Ce qui conduit à la paix est la plus grande perfection. Mais la plupart des gens en Europe et en Amérique n'apprécieront pas une telle attitude et préféreront des démonstrations de pouvoir et des enseignements par des conférences, etc. Les conférences peuvent plaire aux gens pendant quelques heures, sans pour autant les améliorer. Le silence, en revanche, est permanent et rend service à l'humanité entière. Mais le silence n'est pas compris. Cela ne fait rien. Le silence veut dire éloquence. Les conférences ne sont pas aussi éloquentes que le silence. Le silence est éloquence incessante. Le maître primordial, Dakshinamurti, est l'idéal. Il enseignait ses disciples Rishi par le silence. Mais, jadis, les disciples venaient vers lui. C'était donc une situation parfaite. Aujourd'hui, c'est différent. On doit aller à leur recherche pour les aider. C'est une preuve d'ignorance. Le pouvoir qui vous a créé a aussi créé le monde. Si ce pouvoir peut prendre soin de vous, il peut tout aussi bien prendre soin du monde. Qu'est-ce que Bhagavan pense de l'âme perdue dont parle le Christ? Réfléchissez à ce qui doit être perdu. Y a-t-il quelque chose à perdre? Ce qui importe vraiment, c'est seulement ce qui est naturel, car c'est éternel et ne peut faire l'objet d'une expérience. Ce qui est né doit mourir. Ce qui est acquis doit être perdu. Êtes-vous né? Vous existez depuis toujours. Le soi ne peut jamais être perdu. Le Bouddha considère la voie octuple comme étant la meilleure. Ainsi, personne ne peut être perdu. Oui, les hindous appellent cette voie le Raja Yoga. Le yoga est-il recommandé pour un aspirant à la spiritualité? Le yoga favorise le contrôle du mental. Mais le yoga ne provoque-t-il pas l'apparition de pouvoirs occultes qui sont, paraît-il, dangereux? Dans votre question, vous parlez d'aspirant à la spiritualité, et non pas d'un chercheur de pouvoirs occultes.